C'est à toi que je pense quand je vois venir la nuit. C'est à toi que je pense, j'imagine ma vie si un jour tu partais. Je me sentirai nu. Je chercherai le noir. Après, vivre sans ta chaleur, loin des yeux, loin du cœur. C'est vivre sans espoir. Sans toi, je n'existerai plus. Par toi, je suis l'homme tel que je l'ai. Stupide ce jeu. Pardonne-moi, je t'aime. Sans toi plus.